Les piétons sont sur un passage qui leur est réservé, et plus précisément dans un refuge qui leur permet de traverser en deux fois la chaussée, sur laquelle de nombreux véhicules s'empressent de passer puisque le feu est vert. Ces piétons parvenus au refuge ne devront s'engager sur la partie suivante de la chaussée que lorsque ces feux passeront au rouge. Ils ne sont pas prioritaires, je n'ai pas l'obligation de les laisser passer. Réponse B.